Exercice 2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les phrases que vous entendez. 1. Il se promène. 2. Elle se repose. 3. Il s'ennuie. 4. Il s'approche. 5. Il se présente. Il s'appelle Jean-Pierre. 6. Elle se lève et elle s'en va. 2. Écrivez la lettre de chaque phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Une étudiante se repose sur deux chaises au Luxembourg. B. Un jeune homme s'approche de l'étudiante qui lit dans le jardin. C. Le jeune homme s'ennuie, il n'a rien à faire. D. La jeune fille s'en va. E. Un jeune homme se promène dans le jardin. F. Un jeune homme parle à une étudiante. Elle ne lève pas les yeux.